j'aimerais bien, c'est le brun que je préfère. Il est plus jeune, il est plus beau, il a une belle couleur de peau, un cœur tout pur, plein de choses toutes belles. Oui, mais le blond n'a qu'à s'amener avec son air de rigoler. Si pour lui j'ai envie d'être belle. Le brun me parle très gravement de son amour, de ses tourments, avec une belle voix qui chante. Il dit qu'il se tuerait sûrement si je ne l'aimais pas tout le temps, ou si un jour j'étais méchante. Ça m'impressionne, ça me fait tout drôle. C'est vraiment lui qui a le beau rôle. Y a pas à dire, c'est lui. Donc, on est à l'émission du Grain de sable. Aujourd'hui, on n'a pas d'introduction. Et oui, on a voulu vous surprendre un petit peu. Donc, vous êtes bien avec nous pour écouter votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne, ATTAC Québec. Aujourd'hui, on va aborder le lien entre justice sociale et enjeux du numérique. Pour l'instant, les enjeux du numérique, c'est encore quelque chose qui est fractionné, qui est même flou dans l'imaginaire collectif. Les enjeux du numérique, ça recoupe la connectivité, l'innovation, les données ouvertes, le gouvernement en ligne, l'intelligence artificielle, ça touche toutes sortes de sphères. Quel est le lien entre la justice sociale et les enjeux du numérique? Eh bien, la justice sociale, ça vise à réduire les écarts de richesse pour que tous aient une égalité des chances. Et il se trouve qu'il y a une fracture numérique qu'on peut observer au Québec. Et il y a des gens qui s'intéressent. En fait, comme le dit en 2012 une des penseuses du numérique au Québec, elle s'appelle Monique Savoie. Elle a écrit ça dans la presse, c'est que pour l'instant, le numérique, c'est un ensemble de blocs qui sont tous traités séparément. Il y a des connaissances dans chaque secteur, il y a même des chercheurs, des spécialistes, mais il manque une intelligence globale pour traiter le dossier comme un tout. Or, comme poursuit Mme Savoie, la culture numérique englobe plusieurs champs de la société, de l'économie à la santé, en passant par la culture. Il faut quelqu'un qui ait une vision horizontale, selon elle. Et il s'agit d'un nouveau terrain de jeu économique à exploiter. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Monique Savoie, c'est une des 13 signataires d'un rapport qui est paru en novembre 2012, le rapport des étonnés, après les indignés et les lucides. Il y a 13 personnalités publiques qui se sont réunies pour implorer le gouvernement de se doter d'un plan numérique pour le Québec. Et dans une lettre ouverte qu'ils ont publiée dans Le Devoir, ils disaient qu'aujourd'hui, on investit dans le passé en empruntant sur l'héritage qu'on va laisser à nos petits-enfants. Et dans les mois qui ont suivi cette lettre ouverte-là, on a entendu beaucoup parler de Google et de l'intelligence artificielle sur les médias sociaux. Moi, c'est ce qui a piqué ma curiosité. Il y a Laurent Alexandre, qui est une personnalité française connue parce que c'est un personnage atypique. Il est chirurgien, urologue de formation, diplômé de l'ENA, de HEC, de Sciences Po, cofondateur de doctrissimo.fr. Et donc, c'est un cerveau. C'est pour ça qu'on l'écoute. Il a publié un essai appelé « La mort de la mort », dans lequel il dit que l'homme qui vivra 1000 ans est déjeuné. Il parle de l'embryon d'intelligence artificielle que Google est en train de créer. Ensuite, on a beaucoup entendu parler donc dans la blogosphère de ce sujet-là. Puis, il y a Hollywood qui s'est emballé, qui s'est mis à produire des films sur l'intelligence artificielle, comme Transcendance, par exemple, ou Her, qui est un autre film qui aborde ce sujet-là. Donc, moi, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Et aujourd'hui, face à l'ignorance du commun des mortels pour ces enjeux-là, la question de la justice sociale apparaît, car comment faire des choix de société éclairés si la population est même pas au courant de ce qu'on sait faire aujourd'hui, de ce qu'on pourra faire demain. Donc, sans prétention de connaître le sujet, j'ai plongé dans les questions pour aller repêcher deux invités qui vont pouvoir nous éclairer là-dessus. Tout d'abord, on va avoir un chercheur associé au CEFRIO et qui est chercheur invité chez Communautique. Communautique, c'est un organisme communautaire de Montréal qui veut démocratiser la technologie puis éduquer les gens sur ces questions-là. Et on va en voir ensuite Olivier Gadeau, qui fait des recherches à l'Université Laval au Lab CEMO. C'est un laboratoire de communication médiatisée par ordinateur. Donc, il va nous parler aussi, lui, de c'est plus les médias sociaux qui l'intéressent. Pour plonger dans notre sujet, on va écouter Hervé Fischer, qui est un penseur qui se dit philosophe du numérique, et c'est un des signataires du manifeste des étonnés dont je vous parlais au début d'émission. C'est lui qui va nous montrer l'importance de penser le numérique. Hervé Fischer, né à Paris, vivant à Montréal depuis 25 ans. Et on me dit artiste, on me dit philosophe, très engagé dans le numérique depuis 1983. Ça donne mon âge. Moi, je suis quelqu'un, depuis 83, donc passionné par le numérique, et je suis devenu de plus en plus critique. Et mes amis me le reprochent. Ils pensent même que parce que j'ai décroché, que je comprends plus tout l'intérêt extraordinaire de ce qu'ils veulent. Non, c'est parce que je le connais, je l'aime, je suis passionné par cela, que je crois que nous devons développer de la pensée critique, comme on a développé de la pensée critique par rapport à l'économie, par rapport à l'écologie, par rapport à la politique, etc. Le numérique est tellement important qu'il exige aujourd'hui une pensée critique. La technologie est au cœur de notre humanisme actuellement. Et que c'est dans ce sens-là qu'il faut se l'approprier, qu'il faut la penser. Et là, j'ai osé dire au début de notre entretien qu'on dit que j'essaye d'être un philosophe. Oui, j'essaye d'être un philosophe. Parce que nous manquons désespérément aujourd'hui de philosophie du numérique. Nous avons d'un côté des gourous techniciens qui pensent le post-humanisme, qui croient que la technologie va nous permettre de vivre 200 ans, d'être de plus en plus beau, intelligent, etc. Et nous avons d'autre part les grincheux. Les uns sont beaucoup en Amérique du Nord, les autres sont beaucoup en Europe. Bon. Qui dénoncent la technologie au nom de l'humanisme. Cette position-là, à mon avis, me paraît un peu vieillotte et rétrograde et non pertinente. Il faut penser le numérique aujourd'hui qui devient un élément fondamental de notre évolution humaine et le penser, moi je dis le penser avec une fascination critique. Fascination parce que c'est fascinant, il y a une évolution tellement rapide que je comprends que ça développe de la pensée magique. Mais critique parce que si on y croit, si on l'aime, si on est fasciné, il ne faut pas non plus se laisser embarquer comme un gourou stupide, comme il y en a un certain nombre. Non plus en faire une religion, il faut le critiquer. L'avenir ne se prévoit pas, l'avenir se fait, en tout cas je peux dire ça. L'avenir n'est pas inscrit dans aucun livre sacré, il n'est pas inscrit dans la nature, l'avenir c'est celui que nous voulons. Et que nous voulons bien ou que nous voulons mal. On est entièrement responsable. Bien sûr, les tremblements de terre, ça existe, mais pour le reste, nous sommes entièrement responsables de notre avenir. Si la technologie devient de plus en plus dangereuse, il va y avoir de plus en plus de prise de conscience. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, d'un regard alléché, lui tient à peu près ce langage. Comment je dois faire? Quelles sont mes options? Ici, mes attentes sont bercées d'illusions. Je n'ai pas trouvé de solution à mes problèmes de toute façon. Le corbeau lui répond, prenez une décision. Allez mon garçon, arrêtez de jouer au con. Il ne faut pas pleurer, ni jouer les grognons. Vous êtes rongé par la passion. Ok, facile à dire, mais j'ai des envies pressantes. Je vais croquer la pomme quand l'occasion se présente. Vous avez des ailes, donc une longueur d'avance. Je veux faire pencher la balance. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Madame le corbeau, j'ai bien médité, j'ai tourné en rond et j'ai bien cogité, mais je n'ai pas trouvé de solution à mes problèmes de toute façon. Écoutez, vous êtes grand et vous n'êtes pas un sot. C'est vous le renard, moi je suis le corbeau. Ce que j'ai trouvé comme seule solution, c'est de mettre votre histoire en chanson. Ok, facile à dire, mais là ça se complique. Je veux le droit d'asile, un asile poétique. L'équilibre est fragile et mon cœur panique. Il voit mon art comme dramatique. Venez donc vous asseoir près de la fontaine. Comptez-nous vos déboires loin de votre domaine. Renard part en vadrouille, son terrier est trop grand pour lui tout seul évidemment. Passe les sages, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? De la patience, faut trouver une morale au sens de l'existence. Aïe, j'ai trouvé un petit dicton. Les poules sont vaches de toute façon. Cette fois c'en est trop, monsieur le renard. Vous avez trop bu, mangez trop de caviar. Là vous êtes corrompu par le désespoir. Arrêtez-vous, devenez jobard. Son tendon, j'ai peut-être une option. Mettez votre histoire en chanson. Mettons cette histoire en chanson. Mettons cette histoire en chanson. C'est toujours un succès. Yeah! On vient d'écouter Zaz avec le corbeau et le renard. Et juste avant, on avait Hervé Fischer qui présentait, lui, l'importance, selon lui, d'avoir une pensée critique sur le numérique. Hervé Fischer, qui est un philosophe et un artiste aussi, qui est basé à Montréal, mais qui est d'origine française, a publié un manifeste des étonnés avec 12 autres personnes en 2012. Et puis, il disait que l'OCDE, il y a 20 ans, classait le Canada 5e pays au monde pour le développement numérique et le Québec était pionnier. Mais maintenant, le Canada est classé 10e et le Québec 15e. Donc, ce qu'ils veulent souligner là-dedans, c'est qu'on a pris du retard. On va maintenant parler. En fait, j'ai eu une entrevue avec un chercheur affilié à Communautix ce matin. Il s'appelle Piero Pelado. Je vous avoue en toute honnêteté que ça a été la course contre la montre pour moi cette semaine pour avoir cette entrevue. Au niveau justement de l'enregistrement, ça a été problématique. Mais j'ai réussi à l'avoir. Je sais pas si ça va marcher. Mais finalement, avec Monsieur Pelado, on voulait parler de Communautix. Et on a fini par parler d'intelligence artificielle un peu parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais bon, je fais juste vous dire un peu Communautix ce que c'est. C'est un organisme communautaire qui, donc la mission, c'est de soutenir la participation citoyenne en favorisant la maîtrise de l'information, l'appropriation des technologies de l'information et des communications. Dans le fond, eux font des conférences, font des ateliers. Et leur but, c'est de diminuer la fracture numérique au Québec entre les gens qui ont accès à l'informatique et ceux qui l'ont pas, et de sensibiliser nos gouvernants, finalement, nos dirigeants, à l'importance de se doter d'une stratégie numérique pour le Québec. C'est aussi eux qui sont derrière les nombreux Fab Labs qui poussent, qui pullulent tranquillement au Québec. Il y en a un qui a été créé, d'ailleurs, à Québec le mois dernier. On va essayer de partir l'entrevue. Si ça fonctionne... Et sinon, ben, on écoutera une petite chanson. Des trucs malveillants, là. Ah, OK. Ils sont arrivés. Heureusement que j'ai Avast, là. Ça, je sais pas. Ensemble, ensemble, ensemble. Quand on essaie d'être ensemble, quand tout se fait et s'assemble, début d'une petite histoire. Comme celle de ce cavaco qui harcèle le tambourine en sorcelle et le bandero qui s'en mêle. Ils viennent décorer tour à tour, affiner tous les contours de cet hymne fraternel. Je ne demande rien d'autre à qui veut l'entendre qu'un seul instant pour défendre l'espoir de notre étincelle. Je veux la voix qui vibre, qui chante et qui clame son ardeur, qui s'importe peu de la place ou de l'heure, comme cette mélodie qui nous ressemble. Dans cet élan, je l'attrape, je le tords, je lui donne sa forme, comme un artisan use matière et transforme la seule valeur, le temps d'être ensemble. Laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa. Ensemble, ensemble, ensemble, quand on essaie d'être ensemble, quand tout s'est fait et s'assemble, débute une petite histoire. Comme celle de Teresa, cette gazelle, au sourire d'un ange espiègle, et à la peau brunée du soir. Qui pour un instant de plus ou de moins n'aurait jamais croisé mon chemin dans cette foule de hasard. C'est pourquoi je prends l'instant à la volée, comme si c'était le dernier, l'unique et seul brin d'espoir. Je veux la voir qui vibre et qui chante et qui clame son ardeur, me donnant la main, me donnant son cœur, dans cette folie qui nous ressemble. Dans cet élan, je m'accroche, je me tords et je vois les tragiques d'un moment qui s'effile, d'un moment critique. La seule valeur, le temps d'être ensemble. Laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa, laïa. Ces enfants qui se rasent et qui creusent. le ciment. Pardon messieurs, dames, je ne suis pas comme vous. Je vous aime presque autant que vous vous aimez vous-même. J'ai le cœur qui galope comme un vieux cheval fou. Les mains d'un jardinier qui ne sait pas ce qu'il sème. La mémoire aiguisée, mais j'oublie presque souvent tout. J'ai mal au cœur des gens qui vivent dans les bois. En sortant de chez moi, je sais comment rentrer chez vous. Pardon messieurs, dames, mais vous n'êtes pas comme moi. Pourtant, mes apparences sont trompeuses. Je suis lapin que tu attends. De mille corps en mille cœurs, tu me mens. Pourtant, j'aimerais tant te rendre heureuse. Je me bagarre, je me défends contre les oies moqueuses. Donc, on a été en musique parce que finalement, la capsule que j'ai voulu faire jouer ne fonctionnait pas. Petit problème technique, vous voyez, je suis une pro de l'informatique. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est justement le numérique, pas parce que j'y connais rien, parce que je sais que ce sont des enjeux qui dépassent largement la technologie, mais qui touchent aussi juste jusqu'à notre gouvernance, nos choix de société en termes de droit, puis même notre notion de la vie. Alors, ce que je vais faire, étant donné que j'étais censée vous faire entendre Pierrot Pelado, qui est un chercheur invité à Communautique, je vais essayer de vous résumer l'entrevue que j'ai faite avec lui pour les 4 minutes qui me restent. Donc, en fait, Pierrot Pelado, il nous disait que lui, il travaille au CEFRIO, puis il était spécialisé en évaluation sociale des systèmes d'information interpersonnelle. Bon, en gros... on est capable aujourd'hui, avec la technologie, d'imprimer... je lui demandais, en fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui concrètement avec la technologie, pour se donner une idée. Il disait, ben on peut faire des voitures, on peut imprimer une auto qui peut rouler, qui peut fonctionner. Il disait, c'est pas très esthétique, mais on est capable de faire ça. On est aussi capable, il disait qu'en Grande-Bretagne, il y a une entreprise qui essaie de commercialiser des pilules avec des micropuces à l'intérieur, qui permettraient à une personne de connaître... qui serait connecté à nos appareils ménagers et nos appareils domestiques plutôt, c'est-à-dire le téléphone, par exemple. Et si une personne, par exemple, une personne âgée qui doit prendre ses médicaments à certains moments de la journée, pourrait se faire appeler par son téléphone pour lui dire « Vous n'avez pas pris votre médicament à temps. » Ça pourrait être donc relié à la micropuce qui est à l'intérieur et la compagnie d'assurance pourrait s'en servir pour savoir si la personne prend ses médicaments comme prévu. Sinon, ben, elle peut couper les aides. C'était des exemples qu'il me donnait de choses qu'on sait faire. Et il m'a donné aussi l'exemple de la télépathie. Il disait qu'on est capable aujourd'hui de comprendre pas les pensées d'une personne, mais les mots que la personne prononce intérieurement dans sa tête et de les envoyer à quelqu'un d'autre à une longue distance. Donc, c'est pas de la télépathie telle qu'on se l'imaginait, mais c'est une forme de télépathie en ce sens que si, par exemple, dans ma tête présentement, je pense, je regarde le mur et c'est marqué 89.1 FM, ben vous allez entendre dans votre tête, avec cette technologie-là, ce que j'ai pensé dans ma tête avec les mots que j'ai entendus. Voilà, donc c'est juste pour dire que ça peut sembler anodin, mais notre conception du monde même change avec avec la technologie. Et M. Pelladeau disait, pour Google, il dit c'est vraiment des transhumanistes, donc leur objectif est réellement de, concevoir une intelligence artificielle qui aurait une conscience, mais également de pouvoir finalement développer des systèmes de gouvernance qui seraient informatisés. Alors, il disait qu'aujourd'hui, lui, il a travaillé dans les biotechnologies, il disait qu'avant même que les projets soient étudiés, avant même que la science commence à faire une recherche, il faut, dès le début, étudier les conventions éthiques et les conséquences potentielles que ça peut avoir, parce qu'une fois que c'est parti, c'est très difficile à arrêter, parce que ça évolue très vite. Alors, ça veut dire que une des particularités, ben c'est ça, une des choses que je lui ai dit aussi, c'est au début du 20e siècle, il y avait, nos arrière-grands-parents connaissaient pas la voiture, l'hélicoptère et tout, et ils pouvaient pas s'imaginer comment on allait vivre en 2014. Puis aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre avec la révolution numérique, c'est un peu la même chose. Donc, dans 100 ans, nos enfants et petits-enfants n'auront pas du tout la même vie que nous aujourd'hui. Mais il me disait que ça va au-delà de ça, c'est une plus grosse révolution encore que la voiture, parce que ça touche toutes les sphères de notre vie jusqu'à la conception même de la vie et de la mort. Parce qu'il y en a qui sont... Il y a des chercheurs qui développent la possibilité de transférer la conscience d'un humain dans une machine. Comme dans le film Transcendance qu'on a vu, qui est sorti justement à Hollywood, pour montrer finalement à quoi ça pourrait ressembler de transférer un cerveau complet, une conscience humaine dans un système informatique. Donc, si je peux faire une conclusion à cette entrevue, ce que me disait M. Pelladeau, c'est que si on ne cherche pas à démocratiser la technologie dès aujourd'hui, on va la perdre. Ce qui veut dire, c'est que les choses évoluent trop vite pour qu'on soit capable de revenir en arrière si on donne notre aval à certaines décisions. Et pour qu'on soit capable d'avoir des sociétés qui choisissent démocratiquement de comment gérer ces enjeux-là, on doit le faire dès aujourd'hui, parce que sinon, ce sont les gens qui vont comprendre cette technologie-là le mieux. Donc, ça va être une technocratie. Ça va être ces gens-là qui vont prendre les décisions, parce que ça va être eux qui vont mieux comprendre les enjeux. Voilà. Alors, d'où la nécessité de penser, avoir une pensée critique sur le numérique. On passe en publicité maintenant. C'est plutôt une race psychologique qu'un produit social. Je crois, oui. 89.1 CKRL.QC.CA. Vous connaissez une personne bénévole ou un organisme communautaire exceptionnel? Dites-lui merci. Présentez sa candidature au prix Hommage bénévolat Québec d'ici le 6 décembre. Il pourrait recevoir l'une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d'action bénévole. Plus d'informations au www.diteslui-merci.ca. Un message du gouvernement du Québec. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. La Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec, vous invite à sauter à pieds joints dans sa fabuleuse programmation 2014-2015. 12 œuvres chorégraphiques d'exception, sensibles ou radicales, parfois envoûtantes, souvent énergisantes, auscultent la condition humaine et témoignent de notre temps. Venez à la rencontre de créations venues de Québec et Montréal, de France et de Grèce. Nul autre que Mathilde Monnier, Karine Ledoyen, Annie Gagnon, Ruthless Root et Frédéric Gravel nous visiteront cet automne. Billets et informations sur larotonde.qc.ca ou via Billettech. La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez Aventurier voyageur, La route de soie, L'homme qu'on aimait trop, Love Project, Opéra national de Paris, Balanchine, Mille pieds. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation, L'homme qu'on aimait trop, un parallèle plus tard. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. 89.1. Les chars soviétiques entrent dans Budapest. Un deuxième char le suit de près. Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. CKRL.QC.CA. Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà. Je suis en train de tirer sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone. Donc, on est de retour au Grain de sable et on est avec Olivier Gadeau, qui est étudiant au doctorat à l'Université Laval, assistant de recherche au laboratoire de communication médiatisée par ordinateur, le Lab CMO, et il est aussi chargé de cours. Bonjour, M. Gadeau. Bonjour. Donc, M. Gadeau est venu à ma rescousse. Il va m'aider à apporter du contenu à mon émission, heureuse que je suis. Il va donc pouvoir nous présenter ce que c'est que le Lab CMO et sur quoi vous travaillez dans ce laboratoire de recherche. OK. Le laboratoire de communication médiatisée par ordinateur est un laboratoire qui a été créé à l'Université du Québec à Montréal. Et puis, il a une jeune antenne québécoise dans la ville de Québec à l'Université Laval. depuis maintenant un an et demi. Donc aujourd'hui, il est dirigé par deux chercheurs titulaires qui sont Guillaume, il est co-dirigé en fait, qui sont Guillaume Latzkotot et qui est chercheur professeur adjoint, c'est le titre exact, au département de communication, d'information et de communication de l'Université Laval, et Florence Milran qui est elle professeure à l'Université du Québec à Montréal. Donc les travaux sont dans le titre en fait du laboratoire, c'est le laboratoire de communication médiatisée par ordinateur, donc c'est tout ce qui touche à la communication qui passe par un dispositif qui est l'ordinateur, et on prend l'ordinateur dans sa large définition. Donc on considère aussi qu'un téléphone, un smartphone par mm-hmm. exemple, est un ordinateur évidemment. Et c'est quoi les enjeux, vous, qui vous intéressent, finalement, les axes de recherche? Alors moi, je travaille sur une toute petite partie de ces des recherches qui concernent, parce que le laboratoire est large dans ces domaines, donc on peut travailler autant sur la communication institutionnelle et ou des phénomènes de communication sociaux, tout simplement. Moi, je travaille sur la relation qu'entretiennent les journalistes québécois avec des dispositifs techniques de communication. Donc, j'aurais pu choisir l'ordinateur d'une manière générale, j'aurais pu choisir le téléphone portable. Moi, je me suis intéressé à un dispositif très précis qui est Twitter. Donc, je regarde ce que font les journalistes avec Twitter, comment ils travaillent dans leur pratique professionnelle, et puis parfois, s'il y a un débordement sur leur vie privée, ce qui arrive plus souvent qu'on le pense. Okay. Donc la ligne entre le public et le privé devient un peu mince. Oui, c'est ça, mais je le regarde du côté de l'usager. Je m'intéresse pas, il y a d'autres gens qui s'intéressent du côté du public, du côté du social, mais moi je m'intéresse à l'usager. Je m'intéresse à ce qui se passe justement entre la machine et le journaliste, ce professionnel qui est le journaliste. Mais dans vos recherches, vous avez quand même un point de vue d'ensemble de comment les utilisateurs d'Internet, comment ça change la vie finalement quotidienne des gens, autant au Québec qu'ailleurs. Là. Oui, on est obligé. Un portrait du numérique. On est un peu obligé. Alors un portrait, ça serait peut-être un peu prétentieux de le faire, mais on regarde ce qui se fait. Je le fais aussi par goût, je fais ces recherches par goût, donc je m'intéresse beaucoup à ce que font, quels sont les nouveaux outils qui sortent, ceux qui restent en place, qui sont utilisés, ce que les gens s'approprient, que une catégorie de gens s'approprie, les professionnels. Moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à Twitter, parce que les journalistes, en 2009, tout d'un coup, Twitter est né en 2006, mais les journalistes se sont engoués. Ont vraiment pris part, se sont tous abonnés, une majorité des journalistes dans tous les pays francophones que j'ai regardés, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse également et le Québec, se sont tous inscrits en majorité. Tous les journalistes qui sont ont un compte Twitter, se sont tous, une majorité se sont inscrits en 2009. Ah oui, c'est assez étonnant, tous en même temps, dans tous les pays. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une fracture numérique au Québec entre différentes, si on peut voir qu'il y a des écarts, on va dire, si on parle d'alphabétisation numérique, est-ce qu'il y a réellement des gens qui sont plus, on va dire, avantagés par rapport à d'autres parce qu'ils ont accès à la technologie ou qui comprennent mieux l'utilisation de la technologie? Alors, c'est une vaste question parce que ça dépend de quel point, avec quelle approche on aborde l'accès à la technologie. Si on l'aborde du point de vue technique et voire administratif et politique, il s'agit de regarder si le tuyau arrive bien dans la maison, tout simplement, le tuyau d'Internet. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a une étude qui est que le gouvernement a publié l'année dernière, en fait, qui établit que 80, un petit peu plus de 80, c'est juste 80, et des poussières pourcents de la population québécoise a accès à Internet. Alors, comment elle l'a? C'est un chiffre général qui est détaillé dans le rapport que je pourrais vous donner, puis vous mettrai en lien sur votre blog. Comment elle y a accès? Parce que évidemment, on oublie souvent que notre téléphone, là, on a accès à Internet. Puis Internet, c'est un tuyau très très large qui a commencé par la circulation de courriels, puis d'un coup le web est arrivé. Enfin, tout d'un coup, petit à petit, le web est arrivé. Et puis aujourd'hui, on fait beaucoup beaucoup de choses avec des objets connectés. Et il y a même des fois où on utilise Internet sans vraiment s'en rendre compte. Donc, notamment quand vous retirez de l'argent à un guichet automatique, vous utilisez Internet, ce qui n'était pas le cas avant avant qu'on utilise Internet. On utilisait des lignes téléphoniques. Mais à partir des années 90, quand Internet s'est développé, quand on retire de l'argent aujourd'hui, si autrefois, avant les années 90, on tirait de l'argent, il y avait une avance. Si on n'avait pas l'argent sur son compte, on devait le rembourser, même si on avait eu l'argent. Aujourd'hui, le distributeur va se fermer parce que vous n'avez pas l'argent sur votre compte. Donc, il interroge directement en ligne votre compte. C'est tout ce qui différencie. L'arrivée d'Internet, en fait, a permis une circulation en temps quasi réel de l'information, et c'est ce qui change tout. Et la question, pour répondre à votre question, parce que malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps pour en parler, ouais. Donc je suis obligée de vous presser. Je vais vite pour répondre à votre question. Effectivement, l'accès à Internet, les gens n'y ont pas tous accès en fonction d'une part politique, parce que le tuyau arrive pas bien ou parce que une région au Québec qui est mal couverte, mais également par leur savoir, par les connaissances qu'ils ont. Ou qu'ils n'ont pas justement de l'internet. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie. Ils ont raté, comme on dit souvent, ils ont raté un peu. Ils ont raté le train. Donc ils n'ont pas très envie de s'y mettre. Ils n'en voient pas l'utilité. Et puis pourtant, il y a des administrations qui peuvent leur demander justement, mais de plus en plus, les administrations gouvernementales notamment, qui demandent à ce qu'on soit, à ce qu'on se connecte à Internet pour pouvoir gérer son compte d'assurance maladie, d'impôts, etc., etc. Donc c'est pas très très effectivement la rupture, elle existe forcément puisqu'il y a des gens qui soit d'un point de vue technique pur ou d'un point de vue cognitif tout simplement n'ont pas de connaissances, n'ont pas accès. Fait que ça crée une société un peu à deux vitesses. Alors ça crée une société à deux vitesses, mais il faut savoir quand même, c'est que je vous parlais de 80% tout à l'heure. C'est que il y a un effet d'entraînement quand même. Donc il y a toujours dans toute nouvelle technologie qui arrive, que ce soit Internet ou pas, il y a toujours une part de résistant, une part de qui s'intègre à une part de non adoptant, on va dire. Et puis cette grosse part là constitue ceux qui restent toujours un peu en marge. Alors on a tendance à les classer en marge, mais c'est pas forcément c'est pas forcément des marginaux pour autant, quoi. Ça n'a rien à voir. Ils font partie de la société comme tout le monde. C'est juste qu'il y a un effet d'entraînement. Donc on arrive il y a tout un tas de modèles et d'études qui existent sur la question, qui sont parfois même contestées. On n'est pas toujours très d'accord, mais sur le fait qu'on arrive toujours à un maximum qui entraîne un petit peu tout le monde. Et il est vrai, il faut reconnaître que tout ça se concentre quand même dans les villes, dans les centres urbains, etc., etc. Donc, la différence entre les villes et les régions est quand même, on peut la remarquer beaucoup, oui, notamment oui. Au niveau du numérique, au niveau bien de sûr. L'accès à la technologie. Est-ce que vous pouvez, je sais qu'on ne peut pas prédire l'avenir, est-ce que vous pouvez quand même profiler des tendances pour les prochaines années en fonction... À quel niveau? Au niveau du fait que, cette différence-là entre les gens qui acceptent la technologie, qui l'adoptent, dont ça fait partie de leur vie quotidienne, ceux qui n'ont pas accès et qui sont plutôt en retrait, quel type de société ça peut donner finalement, parce qu'on parlait de génération tout à l'heure, on disait que d'une génération à l'autre la technologie va s'intégrer finalement, oui. Donc ça peut donner finalement quel type de fracture sociale dans les prochaines années. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire. C'est pas vraiment mon rôle de jouer les voyants. Non, je ou les futurologues. Mais disons que vous pouvez quand même déceler des caractéristiques aujourd'hui qui oui. ne vont pas disparaître comme ça, puis qui peuvent donner finalement différentes oui. catégories là, ou je ne sais pas comment dire. Je vais plutôt me permettre de préconiser quelque chose, en tout cas, c'est peut-être qu'on s'attarde plus. Il y a des écoles qui le font, mais aujourd'hui, l'apprentissage, ce qu'on appelle le code d'une manière générale, c'est-à-dire, mais qui ne nécessite pas forcément des connaissances informatiques très poussées, mais ne serait-ce que de programmer des applications, savoir ce qu'on veut faire de ces applications. Et j'entends par programmation des applications, c'est vraiment des choses larges, c'est-à-dire paramétrer son compte courriel, les paramètres de son compte courriel dans un client courriel. C'est vraiment des choses pour pouvoir recevoir son courriel. C'est un peu comme mettre en évidence sa propre boîte aux lettres postale à l'entrée et puis de la visser. C'est exactement la même chose. C'est de montrer au facteur qu'il y a une boîte aux lettres, puis c'est là-dedans qu'il faut qu'il mette le courriel. Bon, évidemment, le faire de façon électronique, c'est beaucoup plus complexe. On est bien d'accord. Mais il y a des choses qu'il faut... Ça fait partie des basiques à apprendre, notamment. Donc, cette fracture sociale, on peut la réduire par ce genre d'apprentissage qui se fait de plus en plus facilement, qui est accessible de plus en plus facilement. J'ai raccroché votre question à une autre question que j'ai lue cette semaine. Il faudrait que je retrouve la source. Mais il y a quelqu'un qui disait, j'ai lu un postulat en fait qui disait que d'ici 20-25 ans, Internet deviendrait aussi nécessaire que l'électricité. C'est fort possible. Il y a de grandes chances. Il va falloir réguler ça. Et évidemment, aujourd'hui, la fracture sociale, vous en parliez, mais une fracture sociale économique. C'est que Internet, par exemple, ici, moi, je viens de France, je suis immigrant français. Internet coûte beaucoup moins cher en France. Ici, c'est un budget, là. C'est une ligne budgétaire. Puis aussi que la fibre optique vient d'arriver ici, ouais, alors qu'en France, ça fait... Combien, alors, elle s'installe pas, elle s'est pas installée partout, là. Elle s'est installée dans les grandes. Mais effectivement, on en parle depuis. Elle a commencé à s'installer depuis 5-6 ans. Après, faut regarder. Il y a fibre optique et fibre optique. La fibre optique, elle devient intéressante quand elle va jusqu'au bout de l'utilisateur. Mais quand elle passe par des boîtiers qui ralentissent le débit, effectivement. Ah, ok. C'est un autre. Un autre enjeu. Pour la minute et demie qu'il nous reste, oui. Disons qu'on va, on va pas essayer d'ambitionner sur notre sujet. Je vais être un peu plus sage que tout à l'heure finalement. Si vous vouliez faire un rapprochement entre justice et l'enjeu de l'accessibilité au numérique. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie ou des éléments qu'on pourrait adopter, des éléments qui nous permettraient en tant que société de s'outiller pour pouvoir mieux penser le numérique? Il faut s'emparer, à mon sens, alors je vais essayer de vous faire une réponse rapide. Il ne faut pas hésiter à s'emparer des dispositifs qui existent. Qui sont notamment sur le net, mais ça peut être juste un téléphone. On peut très bien faire sa vie connectée avec un téléphone portable, ça va très bien. Il ne s'agit pas d'avoir une vie connectée pour paraître ou autre chose. Il s'agit d'utiliser, de savoir ce dont on veut utiliser et ce dont on ne veut pas. Il faut être maître de soi, parce que l'outil est qu'un outil qui ne demande qu'à être adapté. Dans notre langage de chercheur, on appelle ça des objets techniques ou des dispositifs techniques. Mais voilà, il faut apprendre, puis les choses peuvent se faire naturellement, là, mais il faut y aller, il faut regarder, parce que sinon, effectivement, il y a des gens qui sont derrière tout ça. C'est pas les dispositifs qui nous mangent, c'est plutôt les gens qui les inventent et qui eux ont d'autres ambitions qui ne sont pas forcément sociales ou qui ont des ambitions plus mercantiles. Donc, ça sert à rien de snobber la technologie, il faut s'en emparer dès maintenant. Oui, pour savoir si on la veut la garder ou pas, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Et donc, on va pouvoir mettre en ligne les documents dont vous me parliez. Ouais. Donc, merci Olivier Gadeau, étudiant et chercheur à l'Université Laval. C'est moi qui vous remercie. Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... Donc, c'est l'heure de la chronique sur les activités engagées de la semaine à Québec avec Michael Lessard. Oui, bonjour Marie-Christine. Bonjour Michael. Donc, oui, c'est ça, c'est les événements engagés que vous pouvez retrouver sur le média réseauforum.org. Je commence par ce lundi. Donc, ce lundi, il y a une commission populaire sur la répression politique. C'est surtout lié aux événements de 2012. Je vous donne pas tous les détails. Vous pouvez aller voir sur le média réseauforum.org pour vous inscrire et participer. Mais ce lundi soir, il y a à Québec la coopérative Cours Spiracourt fait un spécial de projection court-métrage du Saguenay. Donc, vraiment, des films made in Québec, Saguenay. Donc, ça, c'est au Cercle. Si je ne m'abuse... Oui, je suis plus trop sûr de l'heure. C'est en soirée. Je crois que c'est 19h. Au Cercle, c'est-à-dire sur la rue Saint-Joseph. Mardi, du 28 au vendredi 31 octobre, il y a un spécial austérité. Je pense que vous avez entendu le mot souvent. En fait, c'est qu'il y a une commission sur la fiscalité qu'on dit commission bidon. Vous pouvez deviner pourquoi. On se pose la question si les commissions influencent de quelconque manière le politique. Ce qui donne essentiellement que mardi, le 28 octobre, à 8h30 du matin, la Coalition régionale pour la justice sociale vous convie à un grand rassemblement devant l'hôtel Château-Laurier, où a lieu la commission, donc, sur la fiscalité. L'hôtel Château-Laurier, vous demandez peut-être c'est où? C'est au coin de la Grande Allée Est. Donc, il y a la rue Place-Georges, il y a aussi la rue Artigny. Donc, si ça vous situe un peu, donc pas trop loin... j'ai oublié le nom de l'autre hôtel, mais bon, sur la Grande Allée. Ensuite, aussi, sur le même thème... Du 28 au 30, à midi, il y a des actions casseroles. Donc, les gens vont jouer des casseroles devant la commission sur la fiscalité. Et finalement, mais jeudi le 30, c'est le Front commun syndical qui va manifester à midi devant l'Assemblée nationale. Donc, jeudi le 30, c'est pour nos services publics, malgré le fait que c'est une manifestation syndicale des services publics, la CSQ, en fait, invite la population à venir l'appuyer. Et le punch, finalement, de cette semaine spéciale d'austérité, c'est la manifestation nationale à Montréal ce vendredi. Donc, ce vendredi 31 octobre, spécial Halloween, l'austérité, une véritable histoire d'horreur, disent-ils. Et il y a deux autobus de Québec à Montréal, aller-retour, on vous ramène, évidemment. Donc, vous pouvez voir les détails sur réseauforum.org pour vous inscrire ou encore aller voir repac.org. Mais je recule un peu, je reviens à mercredi le 29 octobre. Ce mercredi, le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste vous invite à une conférence-atelier sur la participation citoyenne. Donc ça, c'est au centre Frédéric-Bach, c'est-à-dire sur l'avenue Salaberry. Vous pouvez voir tous les détails, encore une fois, sur Internet. Mais ce vendredi 31 octobre, c'est important de dire que nos amis de l'autre radio communautaire à Québec, c'est-à-dire CKIA, qui est au 88,3 FM, tiennent un radiothon du 31 octobre au 2 novembre. Et le lancement va être au bar Le Cercle ce vendredi en formule 5 à 7. Donc, tous les détails sur réseauforum.org. Alors, Marie-Christine. Ben, merci beaucoup, Michael, pour tous ces détails. On va maintenant donc clore notre émission d'aujourd'hui. Voilà, donc c'était un peu une improvisation fantastique aujourd'hui et j'espère que vous avez au moins aimé le sujet. C'est sûr que c'est un peu vaste et peut-être hors de ma portée, mais j'ai tenté de vous introduire à une question qui me semble importante à aborder. Ne serait-ce que même de la part des gens d'attaque. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir en reparler à d'autres moments. Je remercie tous les invités qui ont participé à mon émission que j'ai coordonnée cette semaine. Pierrot Pelado, chercheur invité de Communautique, que vous n'avez pas pu entendre, mais je vais mettre la capsule MP3 donc en ligne sur notre blog pour que vous puissiez l'écouter si ça vous intéresse. Et Olivier Gadeau du Laboratoire de communication médiatisée par ordinateur, le Lab CEMO à l'Université Laval. Et je remercie bien sûr toute l'équipe qui rend cette émission possible. Étienne Blondeau, qui était à la coordination avec moi, et Michel Monette, qui a été aujourd'hui avec nous à la mise en onde avec Michael Lessard, et qui est donc en formation. Et Michael, qui aussi a fait la chronique sur les activités engagées de la semaine. Donc, pour écouter en ligne nos émissions ou pour commenter, visitez le site legraindesablewordpress.com. où vous trouverez aussi un lien vers notre page Facebook. Donc, on a bien hâte de lire vos commentaires, vos suggestions. Demeurez à l'antenne pour écouter les Gays contre-attaques sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. 89.1. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 26 octobre, 20h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5 $. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du pop folk avec le talentueux Adam Cohen. Acclamé à l'international et respecté partout au pays, c'est riche de son héritage musical familial qu'il vient nous présenter son tout nouvel album, We Go Home. Laissez-vous enchanter par sa douce poésie et sa voix feutrée. Le 27 novembre, vivez la musique à son meilleur avec Adam Cohen. Détails au palaismontcalm.ca. Pourquoi choisir Matelas Confort? Parce que les prix du fabricant sont les plus bas. Chez Matelas Confort, vous aurez toujours la meilleure offre, c'est garanti. En tout temps, présentez-nous n'importe quelle offre de la compétition et nous la surpasserons. Pour profiter des meilleurs rapports qualité-prix, rendez-vous chez Matelas Confort, 505 boulevard Henri Bourassa. Alors, est-ce que monsieur a choisi? Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît. Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto aux cèpes, le feuilleté de légumes... Ah non, excusez. La bisque de homard, la poutine au foie gras... Excusez. La salade d'artichaut... Mais... Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout? Ouais. Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez nous voir sur boutiquevoir.ca. C'est KRL. allongé dans l'herbe. On a fermé les yeux. Québec. En direct des légendaires studios de Limoilou, CKRL présente le Geek Contre-Attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques,